Chapitre 24. Chez nous. Le reste me fut raconté, car j'avais perdu le sentiment, je dirais presque la vie. Au dernier cri de Raguenel, Monsieur de Sartine lui-même avait répondu, en désignant le coin de la grille. « Allez à Mademoiselle de Bois-le-Roi !» Il y avait des hommes à lui dans la foule, et l'on put bien le voir. La bande de vie de Gousset avait travaillé comme le poisson pris nage et s'agite encore dans la nasse. Elle était entourée. La troupe entière fut prise dans cet immense coup de filet. L'opération durait depuis le commencement du feu d'artifice. Mais le roi, et surtout Monsieur le Dauphin, trouvèrent que cette pêche miraculeuse avait coûté par trop cher. Le crédit de Monsieur de Sartine ne s'en releva jamais. Les gazettes du temps portèrent le nombre des morts à 55. On ne fit point le compte des blessés. Les nouvelles à la main ajoutèrent un zéro au chiffre des gazettes. Je dois répéter ici que Monsieur de Sartine, homme fort éminent et qui a rendu de réels services à la population de Paris, avait un grand fond de coquetterie dans l'esprit. Ses mesures, très habilement combinées, avait pour but unique de prendre vivant le bandit Vie de Gousset pour que Monsieur de Maupoux pût donner à la capitale le friand spectacle de la roue. Son plan fut dérangé par le coup d'épée de ce pauvre Olivier de Raguenel. Il paraît que Monsieur de Sartine en pleura. On avait traîné jusqu'au corps de garde le cadavre du faux officier de la maison du Dauphin qui avait fait si méchamment fermer la grille et que Monsieur de Raguenel avait mis à mort. Catiche, qui avait été quérir main forte au château des Tuileries et qui revenait accompagnant Monsieur de Sartine, souleva le lambeau jeté sur le visage du mort et s'écria en le reconnaissant « Bertrand de Saint-Pierre !» À ce cri, Monsieur le lieutenant-général de police répondit par un gémissement. « Vie de Gousset » prononça-t-il avec désespoir. « Ils m'ont gâté mon triomphe !» L'apôtre Saint-Pierre et Vie de Gousset n'étaient en définitive qu'un seul et même coquin. Nous fûmes emportés ensemble, Mademoiselle de Bois-le-Roi, Monsieur de Raguenel et moi. On me jugeait mort, comme mes deux compagnons. Mais quelqu'un donna un ordre à Joson, qui me chargea sur ses épaules en pleurant, et je ne fus pas enterré. Ce quelqu'un n'était pas Catiche. « Que vous me pendiez par devant et par derrière, Monsieur le Chevalier !» me dit Joson plus tard. « Comme du vieux linge mouillé, la tête de ci, les pieds de là, fils de chien, c'est point de vous que je parle. Aussi vrai comme faut pas mentir, je croyais porter un défunt. Et si la demoiselle, qui est madame la marquise, n'avait point dit « je le veux », je vous aurais lâché dans les fossés. Il n'y avait plus d'eau sous votre chair, et vous aviez le ventre plat comme une galette, sans perdre mon respect. » Je restais 2 mois entiers entre la vie et la mort. Pendant tout ce temps, je ne reconnus personne. J'étais sans cesse avec Hermine, et je lui parlais dans ma fièvre des jours de notre enfance, ne sachant plus ma propre histoire. Je me voyais courir avec elle dans les grands bois de Kéramour, dont les pentes descendent vers la mer. Je l'appelais quelquefois Viviane. Un matin, le voile qui était sur mes regards tomba. Il y avait auprès de mon lit un médecin et Catiche. Les premiers mots que j'entendis furent ceux-ci. S'il s'éveillait, et cela ne peut tarder désormais, ne lui parlez pas de madame la marquise. Un choc pourrait lui être funeste. Dans la chambre voisine, une voix retentissante qui essayait, mais en vain, de se faire toute petite, disait « Je viens savoir pour monsieur le chevalier s'il n'est point encore mort de son agonie. » Et quand on lui eut répondu « Ventre bleu !» reprit la voix, « pour qu'il dure si longtemps après ce qui lui a arrivé, faut tout de même qu'il y avait de la vif argent dans la chose au bonhomme le Gall. Je serais bien fâché de mentir. » Après le départ du médecin, Catiche se pencha sur moi et vit que je la regardais. Elle poussa un grand cri de joie. Je prononçai son nom, mais avec quelle peine. Elle me baisa les deux mains. « Où est Hermine ? » demandai-je. Elle ne répondit pas. Je refermai les yeux et m'endormis. « Où est Hermine ? » demandai-je 2 heures après en me réveillant. « Le médecin a défendu que vous la vissiez, » répliqua ma bonne Catiche. Puis, par une inspiration soudaine, elle ajouta. « mais il a permis de vous laisser voir Madame la Marquise. » « La Marquise ? » répétai-je. « Oui, celle que vous appeliez autrefois Vivette. » Elle vint, et tous mes jeunes souvenirs s'approchèrent avec elle de ma couche. Je la revis avec un attendrissement profond. Elle me parut bien plus belle qu'autrefois. Je la croyais mariée. Je lui demandai Hermine. Ce fut long encore. Bien des jours se passèrent. Avant d'apprendre la mort d'Hermine, je sus que Vivette était veuve. Son pauvre vieux mari était une des victimes de la place Louis XV. Je n'ose pas affirmer que Vivette l'ait amèrement pleuré. Mes lettres n'étaient pas arrivées au pays, ou bien Monsieur Merlin les avait supprimées. Toujours est-il que Vivette, n'ayant point de mes nouvelles, avait mis dans la tête du vieil homme l'idée d'acheter un titre. Il était fou d'elle, et toutes les folies se tiennent. Son avarice tournait tout à coup à la prodigalité. Monsieur le marquis Merlin de Tréguéhenneuc, cela sonne. Ils étaient partis. C'était bien Vivette que j'avais vue dans la tribune de Venise. C'était elle qui m'avait jeté sa bourse. Que dire encore ? Mon brave oncle, triste de mon départ, s'était si rudement consolé avec toutes les bonnes choses payées par son gendre pour prix de la petite bétaille, qu'il avait eu une attaque d'apoplexie. Mais Dieu merci, les héritiers du roi Gralon sont de ceux qu'il faut tuer trois fois. Mon oncle s'était remis sur les pieds et continuait de flétrir, après chaque repas, la mémoire de la duchesse Anne de Bretagne. Ce fut un an après cette fatale soirée du 25 août que nous arrivâmes tous à Guidel, Vivette, Catiche, Joson et moi. Hermine n'était pas oubliée. Son souvenir aimé restait entre nous. Mon oncle but si bravement à la noce qu'il frisa une seconde attaque, mais Joson le sauva en lui mettant au cou sa corde de pendu. « Avais-je raison ? Calotte à papa, chevalier !» me dit-il. « C'est moi qui t'ai rendu tes domaines de Kéramour en faisant le marché de la petite bétaille. Chien d'anglais et sa femme, c'est à la 13e barrique que j'eus mon attaque. » Et je te laisserai mes droits à la couronne par-dessus le marché. Dans 25 ans d'ici, toutes les nièces sont rousses. » Catiche resta 15 jours après le mariage. Puis nous la trouvâmes un matin en costume de route. « Celles qui ont vécu du théâtre meurent au théâtre, » nous dit-elle. « Je me sauve avant d'être lasse de regarder votre bonheur. » Chère fille, elle revient nous voir de temps en temps. Elle essaye de retenir sa gaieté qui s'en va avec la jeunesse. Quand nous allons nous promener, Viviane et moi, dans ces splendides allées où l'on entend à la fois la chanson des grands chênes et la voix de la mer, il y a deux enfants joueurs autour de nous. Viviane est toujours belle et nous parlons sans cesse du passé. Elle est savante maintenant, mais quand elle veut, elle parle encore galop comme un ange. Il n'y a pas bien longtemps, comme j'admirais le sort qui nous avait réunis, elle me répondit dans un baiser plein de bon rire. « C'est la corde qui a fait ça, je ne mens point. Pas si bête que de l'avoir toute mise à faire ta bague. Je m'en avais gardé un brin pour mai, qu'est encore thé, mon chéri joli chéri. » Puis, rassemblant les petits, étonnée de nous voir à la fois pleurer et sourire, et plus belle tout à coup dans sa gravité attendrie, elle dit en les pressant contre son cœur. « Olivier, Hermine, mes enfants, aimez bien le bon Dieu qui a protégé votre père et votre mère.